et voit dans la queue, commence à protester. Il leur s'adresse bien. Mais ça va, j'y vais à la queue sur le monsieur Borghetti. En passant maintenant, où va-t-on? Il va se placer au bout de la file. Et il s'approche d'une jeune fille qui porte une robe verte. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu? Non, je ne fume pas. Demandez à Jean-Luc. Bien, voilà. Et il tend son briquet Bic. Allez, allez, à la queue, à la queue, à la queue. À la queue, comme tout le monde, comme tout le monde. À la queue, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui essaye de se placer à la tête de la file? À la queue, comme tout le monde. Il va se placer au bout de la file. Au bout de la file. Où est-ce que Jean-Pierre va se placer? Au bout de la file. Et il s'approche d'une jeune fille qui porte une robe verte. Une jeune fille qui porte une robe verte. De qui est-ce qu'il s'approche? D'une jeune fille qui porte une robe verte. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu? Vous avez du feu? Qu'est-ce qu'il lui demande? Du feu. Non, je ne fume pas. Je ne fume pas. Pourquoi n'a-t-elle pas de feu? Parce qu'elle ne fume pas. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Et il tend son briquet Bic. Il tend son briquet Bic. Que fait Jean-Luc pour donner du feu à Jean-Pierre? Il tend son briquet Bic. Merci. Je m'appelle Jean-Pierre Brodon. Et toi? Jean-Luc Marchand. Et vous? La jeune fille continue sa lecture sans faire attention à Jean-Pierre. Elle, c'est Annick, son frère Philippe, Nadia, Ousmane, des copains. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Je fais de la sociologie et du droit. Ah, t'as raison. Le droit, ça mène à tout. Il se tourne vers Annick, qui continue à ne pas faire attention à lui. Et vous? Elle, c'est une masseuse. Nadia et Ousmane, ce sont des copains. Des copains. Qui sont Nadia et Ousmane? Des copains. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Qu'est-ce que tu fais comme étude? Je fais de la sociologie et du droit. De la sociologie et du droit. Et du droit. Qu'est-ce que Jean-Luc fait comme étude? De la sociologie et du droit. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Le droit, ça mène à tout. Ça mène à tout. Pourquoi est-ce que c'est bien le droit? Parce que ça mène à tout. Ah ouais, ça m'étonne pas. Aujourd'hui, toutes les filles font des maths. C'est la nouvelle mode. Moi, j'ai une copine qui vient d'entrer à l'UQ. Ta cerveau. Elle veut se spécialiser en informatique. C'est un truc qui a de l'avenir, en informatique. La biologie aussi, ou l'astrophysique. Moi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Pour l'instant, je fais une maîtrise de psycho. Je vais peut-être faire médecine. Ou alors psychanalyse. En tout cas, des psychs ont leur heure, c'est sûr. Bon, alors, peut-être que je vais faire HEC. Tu n'as pas l'air très fixé. Non. Je ne veux pas me dire 3 heures, c'est trop dangereux. Et quel âge as-tu au juste? Moi, j'ai 29 ans, pourquoi? Non, rien comme ça, pour savoir. Aujourd'hui, toutes les filles font des maths. Toutes les filles font des maths. C'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode. Pourquoi est-ce que toutes les filles font des maths aujourd'hui, d'après Jean-Pierre? Parce que c'est la nouvelle mode. On peut se spécialiser en informatique. En informatique. C'est un truc qui a de l'avenir. C'est un truc qui a de l'avenir. Pourquoi est-ce que c'est bien de se spécialiser en informatique? Parce que c'est un truc qui a de l'avenir. Moi, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne veux pas me décider trop jeune. Je ne veux pas me décider trop jeune. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Est-ce que Jean-Pierre sait ce qu'il veut faire? Non, pas encore. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre ne veut pas se décider trop jeune? Parce que c'est trop dangereux.